l'addition de toutes leurs erreurs. Je mangerai pas la condition de toutes leurs aigreurs. Ta fausse humilité, qu'elle aille se faire foutre. Ils ont rendu mes frères fous. La tête du taf jusqu'au stade de football. Pas de pute sans goal, mon pote. Fuck vos lois. Ta pute nique vos droits. Tu me dis qu'il faut que je vote. Y'a trop de putains, mais je tolère. Putain, tant trop de fautes sur nos putains scolaires. Plus 20 ans, se demander qu'est-ce qu'on deviendra. J'ai vu ma réussite dans le vieux drap. On m'a dit pico, matelas. Suis le move et tu verras que tout le monde viendra mat. Ma situation est ce qui se plaît, je sais qui se vendra. Pas de ceux qui se taisent, non, pas de ceux qui feignent de ce qu'il fait. Moi, je suis même pas de ceux qui se plaisent. C'est pas le buzz qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la presse. Les jaloux se font la piste, ton pis attire la loose. Motherfucker, forme ton matricule, ma tribu les entubes. Tes flics sont inutiles comme YouTube, les filtres à particules. Je sais, faut que j'arrête de fumer, j'ai assez mué. Lassé de se laisser remuer, mon stylo te sort une CMU. Achète une âme pour ma fille, une lame pour ma vie. Je vis là où y'a pas de villa, une larme pour ta filiale. Touche ma mi-faille, c'est la mafia. Ma mère m'a dit comme celle d'Ahmed Goma. Je donne de l'aide aux mecs comme moi. Ceux qui me ressemblent, tu connais l'espèce en voie d'extinction. J'occupe l'espace comme l'extinction de voix. Ton rap fait du fric petit, partage-le en équipe. Si les gens kiffent, sont qu'à faire comme si on est quitte. On marche ou des si on vient rouler sur des types. Tâche de pas me saouler avec ton avis sur mes titres. C'est pour mon gars fou, tu kiffes les keufs sous les briques. Fous l'état sous écrou et je vide l'encre de tous mes pics.